Chapitre 3. Comment Allégrignac, Porrentruy et Montrognon entrèrent en campagne. Porrentruy suivit Alipépé. Ils montèrent au premier étage et entrèrent dans une chambre d'assez mesquine apparence. « Aurais-tu la folle prétention de me loger ici ? C'est la plus belle chambre de mon auberge. Le roi Marcy y a couché le jour de... J'espère que tu ne vas pas continuer à me débiter de semblables sottises. Apprends à mieux connaître ton monde. Où est le lit ? Le voici, monseigneur. Cela, un lit ? Par la barbe de Salomon, ce que tu as l'insolence d'appeler un lit eût fait reculer Job lui-même, et il ne passait pas pour dégoûté. Qu'est-ce que cela qui pend aux courtines ? Des toiles d'araignée, dit avec satisfaction Alipépé. On les ôte quand les voyageurs le demandent, mais ils ne le demandent jamais. Pourquoi cela ? Les araignées mangent la vermine, répondit-il sans s'émouvoir. Et tu oses entrer ici ? S'écria Porrentruy, pâle de colère. J'ose assurer à votre seigneurie qu'il n'y a pas de meilleur lit dans tout Alagon. Fais-moi voir le tien. Porrentruy prit Alipépé par l'oreille et se fit conduire bon gré mal gré. Ce n'était pas un palais, non, mais tout était en ordre dans la chambre de l'hôte et le lit donnait envie de s'y étendre. « Comment, maudit, tu aurais pu dormir sans remords sur ce lit d'Alcaïde pendant que j'aurais servi de pâture aux araignées que tu collectionnes ? Sors d'ici et bénis le ciel de ne pas descendre par la fenêtre !» Le sire de Machavoine mit l'hôtelier dehors. Celui-ci, qui abandonnait sa chambre avec douleur, essaya de parlementer, mais il ne reçut aucune réponse. Le grincement des verrous, le craquement du lit, furent presque aussitôt suivis d'un ronflement sonore qui enleva tout espoir aux vaincus. Il descendait d'assez mauvaise humeur lorsqu'il entendit marcher avec précaution au bas de l'escalier. Le maître de l'auberge du Crocodile avait le courage des lâches qui s'embusquent pour frapper, mais qui faiblissent devant un danger inconnu ou imaginaire et reculent devant une franche attaque. Porrentruy avait gardé la lumière. L'obscurité était complète. « Qui va là ?» cria Alipépé d'une voix mal assurée. « Un ami !» répondit en sourdine une voix non moins émue. L'hôtelier tira des plis de son surcot un de ces couteaux formidables dont l'usage s'est perpétué en Espagne, et l'ayant ouvert, il descendit lentement les dernières marches. « Qui êtes-vous ? Que voulez-vous ? Ne parlez pas si haut, pour l'amour de Dieu ! Ne reconnaissez-vous pas ma voix ? Vous m'avez servi des raves il y a une heure. Le chevalier aux plumes noires ? Lui-même, ne pourrais-je pas vous parler en secret ? Nous aurions de la peine à trouver un endroit plus sombre et plus solitaire. Que voulez-vous ? Je désirerais loger ici à l'insu de mes compagnons de route. Je vous dirai plus tard pourquoi. Rien n'est plus facile. Ils seront tous partis demain matin. J'ai besoin d'une chambre modeste. Je compte la garder un mois. Mais ce qu'il me faut avant tout, c'est votre discrétion. Je suis muet comme ma conscience, et j'ai une chambre qui vous conviendra à merveille. » Alipépé crut avoir placé le taudis qui avait si fort déplu à Porrentruy. Il s'éloigna un moment, revint avec de la lumière et remonta l'escalier, suivi cette fois par Maragugna. Il ouvrit la porte, entra le premier, mit la main derrière la flamme de sa lampe et, se retournant, « Voilà votre affaire, » dit-il du ton d'un homme sûr de lui. La brusque apparition de cette clarté douteuse mit en mouvement des myriades de petits points noirs qui, se heurtant, s'escaladant, se croisant sur le mur, finirent par disparaître dans les tentures et les boiseries. « Je voudrais quelque chose de plus simple, » dit en baissant les yeux Maragugna ébloui. Alipépé ne put retenir un cri de surprise. De plus simple, les voyageurs sont bien les mêmes, ajouta-t-il tout bas avec découragement, impossible à satisfaire. Cependant, l'hôtelier de la Fonda del Caïman ne se laissait pas abattre pour si peu. Si vous voulez me suivre, j'ai ce qu'il vous faut. Je vous louerai cela pour presque rien. Et il conduisit le chevalier dans un cloaque qui n'avait d'air et de jour que lorsque l'écurie n'en voulait plus. « Voilà, » dit simplement Ali Pépé, « je serai ici à merveille et cette odeur d'étable est excellente pour la poitrine. L'air y doit être nourrissant. »« Je loue cela au convalescent, » dit l'hôte en se bouchant les narines. « Dormez bien, la paille est de cette année. » Ali Pépé, emportant la lumière, laissa Maragounia seule avec ses réflexions. « Allez-vous faire tordre le cou et rompre les os, mes chers compagnons de voyage ?» se disait le comte de Riom. « Courez après un château en Espagne pour satisfaire un caprice royal. Plus sage que vous, je reste ici. Qui sait si la fortune ne viendra pas m'y trouver ?» Il s'endormit et rêva que son page lui économisait le prix de son logement en tournant gratuitement la broche de l'hôtel. Quand l'hôtelier rentra dans la salle du souper, il fut émerveillé de ce qu'il y vit. La table gisait les quatre jambes en l'air. Allégrignac et Montrognon s'en étaient fait un lit. Ils y dormaient, ivres de cette ivresse illustrée plus tard par les Templiers. Fraternellement roulés dans la nappe, ils reposaient sur un amas de tessons et de débris. La lampe avait subi le sort général et râlait avec des pétillements sinistres sur les restes d'un pâté de venaison. « À la bonne heure, » se dit Ali Pépé en se frottant les mains, « voilà des voyageurs comme je les aime. Avec eux, le mobilier ne moisit pas et se renouvelle sans cesse. » Il acheva de briser ce qui ne l'était pas et apporta même des chaises en mauvais état dont il dispersa les morceaux dans la chambre. Puis, ayant ramassé quelques pièces d'or qui avaient roulé sur le plancher, il alla s'étendre dans l'écurie en attendant le jour. Montrognon, dont l'ivresse était à peu près l'état normal, se réveilla le premier. Il regarda d'un œil indifférent le champ de carnage au milieu duquel il avait reposé, se leva et alla dans la cour pour se laver un peu à la fontaine. Ali Pépé l'entendit et le rejoignit aussitôt. « Écoute, » dit le seigneur de Bourglastic, « ta cuisine me plaît, ton vin me convient et je passerai volontiers un mois ici. Mais pour des raisons à moi connues, je tiendrais à ce que mes compagnons de voyage ignorassent toujours que je suis resté chez toi. Quand cet ivrogne qui m'a tenu compagnie se réveillera, tu lui diras que je suis parti sans l'attendre. Tu agiras de même avec le fainéant de là-haut, et dès qu'ils seront sortis d'ici, tu viendras me prévenir. Je loue ta salle à manger pour un mois et prétends ne pas quitter la table. Je n'en sortirai pas. Personne autre que toi ne m'approchera. Je me soucie de la dépense comme de ceci, mais je tiens à être bien servi. Renforce donc ton personnel, garnis ta cave et ton cellier. Par Bacchus, tu vas avoir rue de besogne. Seulement, je te le répète, si tu dis à qui que ce soit au monde que je suis ici, mets tes affaires en règle et fais creuser ta dernière demeure. » Les drôles de gens, se dit Ali Pépé en s'éloignant. Dois-je renvoyer mon ladre d'hier au soir? Dois-je prévenir de sa présence mon ivrogne de ce matin? Bah, ils ont peur d'être vus et ne bougeront pas. Il ne faut rejeter aucun profit, tant maigre qu'il puisse être. Et il entra dans la salle à manger. Est-ce vous, l'hôte? Dit Allégrignac sans ouvrir les yeux. « Pourriez-vous pas me dire ce qu'est devenu mon convive? J'ai beau jouer de l'éperon, je ne sens rien dans la ruelle. »« Il est parti, mon cher seigneur, parti il y a une grande heure déjà. Dis bien aux chevaliers que je laisse dans la salle basse, que je suis au regret de ne point lui faire mes adieux. Mais la chaleur va venir, et je ne veux pas l'attendre pour me mettre en route. » « Ah, l'ivrogne est parti, c'est à merveille. Il t'a payé, je suppose. »« Non, pas vraiment, mon cher seigneur. Il m'a dit que vous vous chargeriez de ce soin. » Allez Grignac non seulement ouvrit les yeux, mais il se mit sur son séant. « Il t'a au moins remis la moitié de la dépense. Il ne m'a pas donné le quart d'une piécette, prétendant qu'il vous avait gagné un pari. » Allez Grignac fut debout avant qu'Alipépé eût achevé sa phrase. « Tu n'es qu'un voleur et je vais t'étrangler. Je vous jure sur tout ce que vous voudrez que je n'ai rien reçu ce matin. » « C'est bien, » reprit le comte de Salençon en reprenant son sang-froid. « Je suis assez riche pour ne pas me soucier d'une pareille bagatelle. Tu dis donc que mon compagnon de nuit est parti ?»« Oui, seigneur. »« Celui d'hier soir également ?»« Vous l'avez vu s'éloigner. »« Bien, il ne te reste plus qu'un des nôtres, si je compte bien. »« Celui qui dort dans mon lit, » soupira Alipépé avec rancune. « Ouvre tes oreilles à deux battants et recueille-y avec soin toutes mes paroles. » S'il t'en échappe une seule, tu auras affaire à moi. Pour des raisons qu'il ne me convient pas de dire, je désire rester un mois dans ta bicoque. » Lui aussi, pensa Alipépé, que va-t-il donc se passer dans ma maison? Tu me choisiras une chambre donnant sur la terrasse. Je n'en sortirai pas et personne n'y entrera, hors toi et le soleil. Tu la feras encombrer de fleurs. Je ne repasse jamais les additions que les hôteliers me présentent. Je m'explique qu'ils ne soient pas forts en arithmétique, ne l'étant pas moi-même. Mais je prétends être bien servi. Un dernier mot. Tu me fais l'effet de tenir à tes oreilles. Je respecte tous les goûts. Cependant, je me verrais forcé de te priver de cet ornement si tu disais à âme qui vive que je suis resté chez toi. Tu m'as compris ? À merveille. Conduis-moi dans ma prison. » Allez Grignac ne fut pas long à installer. Une couchette, une table, des fleurs et une guitare composèrent le mobilier du chevalier. Il commanda son déjeuner et désira rester seul. « Je suis curieux de savoir ce que viennent faire ici ces singuliers personnages, » se disait Alipépé en descendant l'escalier. « Pourvu que le quatrième ne prenne pas indéfiniment possession de mon lit. Débarrassons-nous-en au plus vite. » L'hôtelier heurta résolument à la porte de la chambre de Porrentruy. « Seigneur, vous m'avez recommandé de vous réveiller de bonne heure. Le soleil est levé depuis longtemps. N'allez-vous pas vous mettre en route ?»« Entre !» cria de son lit le sire de Machavoine. « J'ai à te parler. » « Je ne le puis, mon doux seigneur. Vous vous êtes enfermé hier après m'avoir chassé, et je sais par expérience que la place est impossible à forcer. » Porrentruy se leva à regret, tira les verrous et se recoucha le visage du côté du mur. « Sais-tu bien que ton lit est excellent ? J'y ai dormi à merveille et ne ferai pas la folie d'aller courir les grands chemins lorsque je puis trouver ici le repos. » « Écoute-moi bien et fais en sorte de ne pas m'obliger à répéter, car je me meurs de sommeil. Tu vas placer à côté de moi, sur une table, un pâté de venaison, deux pièces de viande froide, quelques conserves de fruits et 30 bouteilles de bon vin. 30, tu m'entends bien ? Je n'entends que trop, mon seigneur. Tous les 8 jours, tu entreras ici sur la pointe du pied, et tu renouvelleras mon service. Je vais me rendormir. Tu viendras me réveiller dans un mois. » « Vous n'y pensez pas, cher seigneur, pendant un mois me chasser de ma chambre ?»« Je te préviens que je ne sais pas le compte de l'or qui remplit mon escarcelle. J'ai le sommeil si dur que tu pourrais me piller sans que j'ouvrisse pour cela les yeux. » « Ah, j'oubliais. Ne voulant pas être dérangé, « je t'enjoins de ne dire à personne que je suis resté ici. Que le feu prenne à ta bicoque, que l'ennemi en approche, que la terre tremble ou se fende, que les fleuves débordent, je m'en soucie mille et entends continuer mon somme. Surtout, garde-toi bien d'instruire mes compagnons de ce que j'ai résolu. Il y va de ta vie, ni plus ni moins. Maintenant, prépare tout ici et que je ne t'entende que dans un mois. Seigneur, doux Seigneur, cher Seigneur, grand Seigneur, soupirait l'aubergiste, peu charmé de coucher 30 nuits durant à l'écurie. Ne pouvez-vous pas choisir un autre logement? Je vous assure que si vous alliez jusqu'à Montella, à 1/2 journée d'ici, vous trouveriez une magnifique auberge où vous seriez infiniment mieux logé que vous ne l'êtes. Cher Seigneur, m'entendez-vous? Un ronflement énergique vint prouver à Ali Pépé qu'il faisait de l'éloquence en pure perte. L'aubergiste, pour s'assurer que le chevalier dormait profondément, fouilla dans l'escarcelle. Porrentruy ne bougea pas. « Allons, cela s'appelle dormir en grand seigneur, » dit-il à moitié consolé en s'adjugeant une poignée de pièces d'or. « Je puis, à ce prix, lui laisser achever son somme. »